autour de la biodiversité. Une biodiversité qui, bien sûr, est omniprésente en Guyane, mais qui plus est particulièrement protégée dans l'enceinte sécurisée du centre spatial guyanais. Donc, il y a un territoire vaste qui fait l'objet de mesures de préservation et de conservation tout particulières qui nous seront présentées ce soir, mais aussi de valorisation de ce patrimoine, au-delà du patrimoine industriel, du patrimoine. Le fleuron des technologies qui représente l'activité spatiale, existe ce patrimoine naturel qui, finalement, n'est peut-être pas le premier aspect auquel on pense pour une base spatiale européenne. Ceci étant dit, bienvenue à tous, et merci d'être aussi nombreux dans un contexte qu'on connaît pour ce mardi de l'espace que le Centre national d'études spatiales a fait l'honneur de confier à la Canopée pour cette organisation aujourd'hui. Permettez-moi tout de même de rappeler que les Cafés des Sciences et la Canopée des Sciences doivent aussi leur existence au soutien du Centre National d'Études Spatiales. Cette joyeuse histoire a commencé il y a 10 ans. Nous sommes chargés de manifestations comme l'espace au fil du fleuve pour aller vers l'intérieur avec des activités ludiques et pédagogiques autour de l'activité spatiale. Et désormais, à l'occasion de lancements ou de rendez-vous comme celui-là, il vous est proposé de travailler ensemble à une diffusion plus large de la connaissance sur ces sujets divers. Sans plus attendre, car nous avons pris le temps de vous servir un petit verre, à la fin de cette rencontre, vous aurez l'occasion d'échanger autour d'un petit verre et de quelques tapas que la Terre nous a réservés. En attendant, je vais accueillir, sans plus attendre, deux experts. En les personnes de Madame Sandrine Richard, experte environnement, qui se lève et que je vous invite à applaudir. Et à ses côtés, et je vais l'inviter aussi à venir se présenter à vous, Madame Cécile Dechose, ingénieure environnement. Ce soir, elles vont vous présenter leurs sujets et sans doute des sujets qui sont traités par toutes les équipes expertes en la matière avec des partenariats. Je vois dans la pièce des amoureux de la nature, des gens du milieu associatif, des milieux naturalistes, je dirais, mais aussi scientifiques. Et cette discussion qui suivra leur exposé se prépare. Et voilà. Bienvenue au Mardi de l'espace. Merci à tous d'être là. Sans plus attendre, qui commence? Eh bien, Sandrine, Madame Sandrine Richard. Donc, Sandrine Richard, je suis responsable de l'activité environnement au CNES. Et je vais laisser Cécile se présenter aussi. Droite et gauche, droite et gauche, précédente suivante. Bonjour à tous, moi je suis Cécile Deschaux, je suis ingénieure environnement et j'ai particulièrement travaillé cette dernière année sur les problématiques de biodiversité. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors, ce soir, on voulait partager avec vous les observations qu'on a réalisées sur le CSG depuis de très nombreuses années, puisque au travers de ce qu'on appelle les temps de l'environnement, notamment, qu'on réalise pour les enfants d'Ariane depuis 20 ans maintenant, on a accumulé un certain nombre d'informations sur la biodiversité. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous brosser un petit peu ce qu'on peut observer au CSG et dans quelle mesure on est aussi responsable de certaines espèces qui sont présentes plus particulièrement sur le site et comment on répond à cette responsabilité. Donc en préambule, qu'est-ce que la biodiversité? Alors il y en a beaucoup qui savent très bien ce que c'est, puisque j'en connais quelques-uns qui sont spécialistes de ce domaine dans l'Assemblée. Bon, c'est pourtant, c'est quand même assez récent, c'est le mot qui est assez récent, parce que la biodiversité est utilisée évidemment depuis très longtemps au travail des naturalistes qui ont œuvré dans le domaine. Et donc ce concept, en fait, reste la diversité, que ce soit la diversité écologique, spécifique ou génétique. Et on est passé maintenant, avant d'écrire surtout, et maintenant de passer au fonctionnement des écosystèmes, et c'est ça qui nous intéresse actuellement, c'est comment les différentes espèces interagissent entre elles et comment les écosystèmes sont importants pour les espèces qu'on peut y trouver. Alors on a divisé la présentation en 5 points. On va vous présenter les milieux naturels du CSG, importante, comme toute activité d'ailleurs que l'homme peut avoir sur la Terre. On a donc un volet sur le plan de gestion, sur la plan de gestion de la biodiversité qui court jusqu'à la fin de cette année. Donc on a rédigé pour les 10 années à venir un plan de gestion que l'on va donc mettre en œuvre à partir de 2021. Et on fera un petit point sur la valorisation, puisqu'effectivement, comme il y a beaucoup de biodiversité, c'est riche et intéressant. On a des façons, des outils pour valoriser la biodiversité, notamment à travers le chantier qu'on a mis en place au cœur du CLG, mais pas que, puisqu'on verra qu'à l'extérieur de la base même, on a aussi des zones qui sont très intéressantes, comme la montagne des Neiges. Donc, en introduction, je voulais rappeler que nos activités, en fait, ce sont des activités qui sont régies par une réglementation particulière qu'on appelle la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, on appelle ça ICPE. Et donc, quand on veut réaliser une activité, on se doit de demander une autorisation environnementale qui comprend à la fois une étude de danger et une étude d'impact. Et au travers de l'étude d'impact, on va donc décrire notamment le milieu naturel, on fait un point zéro de la situation avant l'installation d'une activité. Et ces études, ça permet justement d'engranger énormément de données sur la faune, la flore. Et on se doit, dans le cas de l'étude d'impact, de mettre en œuvre une séquence qu'on appelle la séquence ERC. C'est une séquence qui s'appelle donc éviter, réduire, compenser. Donc on regarde les impacts. Et on fait en sorte de soit réduire les impôts, soit les éléments issus des éliminés, c'est-à-dire on va déplacer par exemple le projet, soit on va réduire les impacts ou les compenser dans la mesure où, dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement. Donc ces mesures sont réalisées à chaque dossier et ça nous permet maintenant d'avoir des études un peu plus poussées sur certaines espèces. On va vous en parler au fil de la présentation. Alors, un petit rappel, on a une carte ici de la Guyane. Alors, bien sûr, tout le monde sait, on est du Sud, ça c'est la Guyane. Avec, donc, ce qui est remarquable, c'est la couleur verte, évidemment, qui prédomine sur cette carte, puisque l'essentiel de la... Je ne sais pas où est le pointeur. Non, il n'est pas plus. Si, je ne marche pas sur l'écran. Oh, c'est pas grave. Enfin, en gros, le CLG se situe donc, ici, là, dans la petite. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que l'essentiel de la Guyane, bon, c'est de la forêt, mais il y a sur le littoral des milieux, des écosystèmes très intéressants, très particuliers, qui sont toujours les savanes. Et donc, les savanes sur la Guyane, elles ne représentent que 0,3% de la surface. Et on en a 25% sur le CLG. Donc on a vraiment un intérêt tout particulier à étudier ce milieu. Alors là, une carte pour vous montrer justement dans les parties marron par rapport à tout ce vert, ce sont les fameuses savanes donc, qui se distribuent le long de la route de l'espace. Donc on en a de chaque côté de cette route. Et là, vous avez les principales installations qui sont... nécessaire à nos activités. Donc on a réalisé avec ONF une carte sur les habitats, puisque cette carte-là est assez récente, hein, elle sera dans le plan de gestion qu'on sort très bientôt. Et donc cette carte d'habitat fait trace justement de manière assez précise les différents écosystèmes que l'on peut trouver au CLG. Et vous voyez dans cette partie, on va dire marron, jaune, moutarde, toute la partie des savanes qui se distribue entre la partie océan et la partie à l'intérieur forestière. Vous voyez, c'est quand même très riche en écosystèmes. Donc, quelques chiffres pour fixer un peu les idées. Le CLG, c'est 660 km². Donc, c'est en gros, on va dire, deux tiers de la Martinique, pour ceux qui ont une idée des surfaces. Et 10% à peu près de cette surface est constituée d'installations. l'orientation industrielle. Donc ça laisse 90% du territoire en espace naturel. Et donc dans cet espace naturel, on a en gros 45% de forêt. Comme je disais tout à l'heure, à peu près un quart de savane. Et le reste, c'est de la mangrove, des marais. Bon, autre, c'est parce que les différents habitats sont assez variés, donc je ne peux pas tout détailler, mais ça reste du milieu naturel, notamment les milieux aquatiques, par exemple. Donc, maintenant, quand on va parler de l'activité industrielle, donc on va parler d'installations placées pour la protection de l'environnement. Et donc, cette réglementation nous permet d'obtenir un arrêté préfectoral qui nous autorise à exploiter chaque installation que nous avons et avec des prescriptions réglementaires qui fixent aussi bien en termes de sécurité qu'en termes d'environnement un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Donc là, vous avez un petit panel d'installations. Par exemple, ici, l'ensemble de préparation des charges utiles. Ici, on voit l'intérieur, donc la partie où on intègre les charges utiles. Avec, par exemple, ici, un système de traitement des effluents gazeux. Dans ces zones-là également, on a un système de stockage sur rétention. Donc, c'est une manière, à chaque fois qu'on a une installation, on met en place des dispositifs pour éviter, en cas d'accident, d'avoir des pollutions sur les milieux naturels. Par exemple, donc, ce qui me touche évidemment, ce qui est récent, c'est Ariane 6 avec son ensemble de lancement numéro 4. Donc, la zone de lancement d'Ariane 6 est située entre l'ensemble de lancement d'Ariane 5 et celui de Solis. Et on a donc, pour cette installation, bien sûr, mis en place la séquence ERC. Et dans cette installation, on a pu, pour éviter les espèces végétales qui étaient protégées, déplacer certains éléments de l'ensemble de lancement. Notamment, la station de traitement des eaux du Carnot a été déplacée vers vers l'est, de manière à éviter les zones qui étaient riches en espèces végétales. On a également mis en défense certaines espèces. Donc, on a servi ces espèces de manière à ne pas les. Des zones en fait pour ne pas aller les déranger. Et comme c'est une zone de lancement, donc c'est particulier, il faut donc protéger les populations avant tout lors des lancements. Donc on avait une zone relativement précise pour installer et on ne pouvait pas faire autrement que d'impacter cette zone-là en se posant le carnot. Et donc on a compensé cet impact de la mise en place de cette zone de lancement à cet endroit-là. Une compensation foncière de 1300 hectares, donc c'est pas du tout négligeable puisque le cadre de l'ensemble du bâtir fait 170 hectares, donc là on a compensé avec 1300 hectares. J'ai un peu de mal avec le masque, ça vous dérange ou c'est un peu étouffant. Donc cette compensation foncière, c'est en gros une zone qui nous appartient. Qui a été rétrocédé au Conservatoire du Littoral et qui donc est mis en gestion maintenant au Parc Naturel Régional de la Guyane. Donc c'est une zone qui va être préservée, dans laquelle un plan de gestion est en cours de mise en place pour faire en sorte de laisser ce milieu naturel le moins impacté possible avec des activités qui seraient plus des activités de découverte et de la nature par exemple. Donc, en plus de cette compensation, on nous a demandé d'étudier certaines espèces, comme je disais tout à l'heure, parce que ces espèces-là étaient particulièrement intéressantes et sont particulièrement intéressantes en savane. Et comme on a impacté certaines orchidées et certaines espèces, notamment d'oiseaux et de poissons, on a lancé certaines études avec des experts, des spécialistes, hein, parce que nous, on est quand même relativement généralistes, hein, c'est un peu comme les médecins. Il faut passer parfois et souvent, surtout par les spécialistes. Donc, On a un travail en ce moment de lutte contre les espèces végétales envahissantes, notamment la cassée et le miaouli. Donc on travaille dans le cadre du projet Biodiversité porté par le GEPOM. Et on a réalisé notamment tout un inventaire des acacias et des miaouli récemment, avec notamment Guillaume Léotard qui est ici présent ce soir. Donc on a des cartes et on sait précisément où toutes ces espèces se trouvent. Donc maintenant, le travail porte sur l'éradication de ces espèces. Alors pourquoi éradiquer du miaouli et de l'acacia? C'est parce que ce sont des espèces qui sont présentes sur les savanes. Et une fois qu'elles sont installées, on a en fait une forêt monospécifique. On n'a que l'acacia, on n'a que du miaouli. Alors que les savanes, c'est. L'intérêt, c'est la diversité des milieux. Et donc, on espère, par ce biais, retrouver un semblant de fonctionnement de savane au fil des années. Tout ça, ça demande quand même pas mal de travail. On a commencé le travail sur l'acacia. Et c'est coupé, passé, repassé, les années venir, enfin, les années qui vont venir. Donc c'est un travail qui est quand même assez beau. Et ce projet est porté par le GEPOM, puisqu'il n'y a pas que couper les arbres, mais il y a aussi accompagné par exemple des gens, les agriculteurs par exemple, qui auraient de l'acacia chez eux, donc ça sert pour faire de l'ombre, pour les agriculteurs notamment. On ne peut pas leur dire comme ça de but en blanc, vous coupez tout et puis vous éradiquez. Là, ils vont travailler aussi sur des espèces de remplacement qui pourraient remplacer justement ces espèces envahissantes pour avoir les mêmes, le même effet. Ensuite, on a des espèces un peu particulières que sont les orchidées, notamment celle-ci, le Cercopodium cristatum. Et d'autres espèces de cercopodium, ainsi que des espèces de plantes rares sur le CSG. Donc, on a commencé un inventaire de ces espèces. Et l'idée, c'est de mettre en place un plan de gestion de ces espèces-là, parce qu'elles sont localisées de manière assez précise sur le CSG. Il n'y en a pas vraiment ailleurs, quoi. C'est surtout là qu'on les a trouvées. On les a bien cherchées aussi. Donc ces plantes-là vont faire l'objet d'un plan de gestion avec un plan d'action associé sur ce plan de gestion qui sera mis en place. Pour le Tyrannobarbus, ce petit oiseau, qui vit dans un habitat très particulier des savanes, l'étude est en cours. C'est le GEPOM qui a réalisé cette étude, ils ont commencé cette année. Donc il a déjà été observé. Alors préalablement aux observations de cette année, il avait été vu. Et là, on travaille avec une association qui s'appelle Cerato. Donc, pareil, gestion et plan de gestion et plan d'action associés, une fois que cette espèce aura été vue de manière assez conséquente. Là, les observations, je crois qu'il y a eu deux observations sur le CSG depuis. Donc on a un travail aussi à mener sur la conservation des habitats d'intérêt pour les oiseaux, notamment les haras bleus, puisqu'ils nichent dans des zones de palmiers vaches. Il y en a beaucoup qui vivent dans les zones de la rivière Carboabo, pour ceux qui connaissent. Le CSG, on a deux rivières principales, la Carboabo et la Mamanoui. Il y a beaucoup de palmiers vaches. Et donc le haras bleu aime beaucoup ce type de milieu. Donc l'idée c'est de protéger les cours d'eau, mais également les arbres qui sont à proximité des cours d'eau. Et on a travaillé également sur le rétablissement d'une mosaïque de savane. Alors du coup, ce qu'on fait pour l'acacia et le miaouli, on l'a fait aussi pour l'éclusia, ce sont des arbres en Valaisan également. Donc on a traité cette partie-là au sein même de l'EL4, de la zone de transport d'Ariane 6, pour on les a retirés, histoire de redonner un faciès plus forme aux savanes présentes dans l'établissement. Donc là, ils ont été coupés, arrachés et mis en place. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Cécile qui va vous présenter la partie impact sur la faune et la flore. Et notamment lors des lancements, on vous présentera une petite série de photos de manière à alléger un peu la présentation. Vous m'entendez ? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des plans de mesures qu'on fait à chaque lancement, mais aussi annuellement, puisqu'en fait, on a des obligations à chaque lancement. On ne peut pas lancer si on ne mesure pas l'impact du lanceur sur l'environnement, donc les produits de combustion. Donc, on fait ça à chaque lancement, et on a aussi des études annuelles qui permettent de voir l'impact de l'activité industrielle en général et aussi des lancements sur l'environnement. Alors, en fait, à chaque lancement, ce qu'on fait, c'est que on va mesurer les retombées des produits de combustion sur l'environnement. Par exemple, pour Ariane et Vega, on a des produits de combustion, on a de l'aluminium, on peut avoir du gaz chlorhydrique qui retombe, ça c'est de la propulsion du lanceur. Et bien, en fait, on met des capteurs tout autour, on en met en champ proche, on en met en champ lointain, on les positionne en fonction des conditions de vent du jour. Donc en fait, on prend des mesures de vent du jour et des prévisions aussi. Et on fait tourner des simulations dessus. Et en fait, ça nous donne la position attendue des retombées. Donc, on positionne des capteurs pour voir ce qu'on mesure. Alors, en fait, ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que en fait, le lanceur va très vite. Il part très vite. Et donc, les retombées des produits de combustion sur l'environnement proche, elles sont assez limitées. Donc, nous, dans nos collecteurs de particules, on mesure des concentrations qui sont non négligeables jusqu'à 1 km de tir. Donc 1 km, c'est quand même pas très loin. Et au-delà, en champ proche, les concentrations deviennent négligeables et en fait, on ne distingue plus du tout. Ou alors, ce qu'on peut distinguer, c'est que, par exemple, il y a de l'alumine dans la latérite. Donc, de temps en temps, on distingue un tout petit peu d'alumine lié à la présence d'un peu de l'environnement naturel autour du capteur. Mais donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les retombées sont dans les 1 km autour du palatine, et au-delà, on ne mesure plus rien. On a eu également des études sur les oiseaux pendant des années, jusqu'en 2015, et en fait, ces études ont montré que les oiseaux s'en vont pendant les lancements, ils sont dérangés. Mais dans les 2 heures après le lancement, en fait, ils reviennent et ils reprennent leur vie normale autour du bâtiment. Voilà. Donc, à chaque lancement, on déploie ce plan de mesure. Mais on ne fait pas que des mesures ponctuelles à chaque lancement, on fait aussi des études annuelles. Dans les études annuelles qu'on fait, on peut citer des études de la grande faune terrestre avec l'OFB. Toutes ces actions, en fait, on les fait en partenariat avec des organismes, des associations ou des bureaux d'études. Donc la grande faune terrestre, on les fait avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On fait des... Sandrine va vous en parler plus loin. On fait des études de faune aquatique avec l'IDECO. En fait, les mesures de faune aquatique, on les fait depuis 20 ans avec eux. Donc, on a pas mal d'historiques sur les inventaires de poissons, l'état de santé. On a un certain nombre de paramètres qu'on mesure et qui permettent de caractériser la qualité des cours d'eau du centre spatial, non seulement à un moment donné, mais avec de l'historique. Ensuite, on a un partenariat avec l'OMF pour la surveillance du domaine. Ce sont eux nos gestionnaires. Et enfin, on a de la surveillance de la qualité de l'air par des bioindicateurs. Donc, on utilise des abeilles mellifones pour qualifier la qualité de l'air au sein du centre spatial. En fait, on a placé des ruches et on effectue un certain nombre d'analyses sur les abeilles, à la fois sur les petites particules qu'elles peuvent capter sur leur poumon par électricité statique. Donc on analyse les particules, on regarde ce que c'est. Donc la bonne nouvelle, c'est que en fait il y a assez peu de particules qui sont d'origine anthropique et la plupart sont d'origine naturelle. On regarde aussi la bonne santé générale des ruches. Hein. Là, je vais vous montrer, en fait, on avait mis des caméras dans une ruche de mellifone pendant un lancement. Et donc, ruche, en fait, elle est assez peu perturbée par le lancement qui est en cours, hein, si vous allez voir. Vous verrez, je mets du pollen, en fait, c'est des colonies. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du son. En fait, on entend très bien l'ancien qui décolle. Donc, s'il y a du son, c'est parfait. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez la dictose. Dans les ruches de mélipone, c'est des petites colonies d'une centaine d'individus. Et il y a toujours une dictose qui fait le lit au niveau du trou. Et à l'intérieur de la ruche, donc, les abeilles s'activent. À une certaine heure de la journée, elles s'activent pour faire baisser la température de la ruche. Mais bon, en gros, le lanceur, il est vraiment à deux pas. Hein, et les abeilles, elles font leur vie, elles ne sont pas du tout dérangées. Hein. Donc, par exemple, sur ces ruches, on a des mesures, on a un monitoring, donc on mesure le poids de la ruche et on voit si les abeilles, elles produisent du miel, si elles sont en bonne santé générale, si la colonie grossit, etc. Donc, en fait, on voit que les poids grossissent globalement. On a aussi fait analyser, alors pas sur les mélipones qui ne sont pas de cire, mais sur les abeilles. On a aussi fait mesurer les cires, et on a fait des analyses sur les cires pour doser les pesticides, etc. Donc en fait, ces abeilles, c'est des bioindicateurs qui nous permettent de qualifier la qualité de l'air dans le centre spatial. C'est une espèce de, c'est une trimésie en fait, c'est vraiment une espèce nouvelle pour la science. et pour d'autres projets. Donc ça, c'est le plateau d'actifs qui a été photographié par Vincent Lucré. Bon, une petite chouette qui se promène dans les installations. Alors ça, c'est un peu en fait, c'est historique, hein, une photo assez ancienne, mais une zone de marécage, une ancienne carrière de sable qui a été colonisée notamment par les cadiales et aussi des loups, enfin il y a des oiseaux. En particulier, justement, il y a une rêve à des Bigarrés qu'on peut observer aussi dans cette zone-là, à proximité de la zone de lancement, enfin, ce qu'on appelle l'ELA, là où il y a des gars et un chien. Bon, ben le petit paresseux qui était toujours en cinéma. Donc, un bel oiseau, une belle photo. Donc, il y a un peu un mix entre des photos qui sont prises par les naturalistes et puis des photos qui ont été un petit peu plus travaillées, qui sont faites aussi par le journaliste Petite Vidéo du CNES. Donc, il y a des collègues qui sont plus présents en photo, et donc, de temps en temps, ils nous font des magnifiques fichiers. Bon, il faut on voit le fâtir derrière le scène juste Alors ça c'est ce sont des photos avec l'appareil photo posé à côté du chemin que l'on peut visiter. Bon, ça c'est une taïra. Ici on ne le voit pas très bien, mais c'est un rapace là qui est en vol. Et là, un monsieur. Alors on s'est bien venu que deux jours. Alors, on a donc quelques photos aussi prises par l'OMB, anciennement appelé OMCFS, avec un travail de manière importante depuis la décoration avec eux depuis 7-8 ans maintenant. Donc, ça, ce sont des rongeurs qu'on peut observer en forêt. Alors, vous voyez l'appareil photo ici. Vous en voyez un, en fait, deux appareils photo qui sont mis en face à face. Ça permet d'avoir les deux côtés de l'animal et de pouvoir identifier de manière assez précise, notamment pour les jaguars, ça permet d'avoir les deux côtés, ils arrivent à, d'une photo, enfin, d'une période à une autre, à reconnaître les animaux à chaque fois. Alors ça, ce sont des biches rouges avec un petit carriacou. Alors cette année, on va un peu se concentrer sur les biches parce qu'on a pas mal travaillé sur les femelles. Et là, c'est une magnifique photo de Colombier avec ce que vous observez ici, c'est le bébé qui est sur le dos de la mère. Donc, vous voyez bien, l'appareil est ici et l'autre, c'est de l'autre côté. La tête est là. Alors, les trabis, les chiens bois. Donc, ça aussi, très rare. Bon, après, il y a pas mal de petits carnassiers, magnifique photo. Bien sûr, le jaguar, dont il y a eu pas mal d'études de fait, et notamment pour le jaguar et le pumain, il y a un dispositif de déplacement et méthodologie qui ont été réalisés en mettant un collimateur sur l'animal pour savoir un petit peu comment il se comportait. Et notamment le jaguar, c'est un bouton qui n'a pas beaucoup d'informations sur les animaux. Il y avait notamment un des jaguars qui avait une aire de transition et une aire de balade de plus de 1000 km², et l'autre qui a plus de 200 km². Donc des comportements totalement différents à l'intérieur des animaux, du même sexe, d'un âge équivalent. Donc là aussi, un des jaguars s'est retrouvé à Boissy-Mara, pour ceux qui connaissent, avant Kourou, jusqu'à Kessinamarie. Donc il avait déjà traversé les deux fleurs, enfin, il se baladait sur une aire de répartition très large. Alors évidemment, coton, il y en a pas mal. Et là, c'est une petite photo, qui est en plein réel. Vous avez peut-être vu déjà passer des vidéos où il y a une des personnes qui visitait le CSG qui a fait un petit film. Et le bus est arrivé parce que les cochons n'arrivaient pas de traverser la route, de traverser. Là, ils en ont compté 200, je crois, donc c'était assez impressionnant. Donc là aussi, ça a permis de prendre aussi en photo des oiseaux. Les locaux qui sont assez curieux, du coup, quand au début, quand les paramètres des appareils photo n'étaient pas réglés comme les personnes le souhaitaient, ils passaient tous devant l'appareil photo, ils déchargeaient la carte en 5 minutes parce qu'ils étaient très curieux. Chaque fois que ça faisait une flash, il y en avait un, il y en avait deux, il y en avait trois, il y en avait 10, enfin, non, c'était assez rigolo. Donc après, les réglages ont été faits de manière à pouvoir maintenir les appareils sur une plus longue durée. Alors ça, ce sont les manips pour attraper les cochons. Donc là, ceux qui la connaissent, vous reconnaissez l'école. Cécile Richard-Ancel, qui est responsable du programme de recherche sur la campagne CSG, qui travaille encore avec Andy Nourrit, et qui travaille avec Rachel Berzin pour la partie Jaguar Pumas. Donc là, c'est une fois que les animaux sont capturés, il y en a un qui est sélectionné, on y met un collier, et ensuite ça permet de. Bon, les autres évidemment sont relâchés, lui il est relâché, mais il a rejoint sa troupe. Les quelques heures qui ont suivi ça toutes les aventures et ça a permis de pouvoir suivre les déplacements de manière assez intéressante. Et là, c'est une analyse qui a été faite sur un des jaguars et un des pumas. Ça a permis d'acquérir un peu de connaissances sur ce projet qui est aussi en lien avec le parc amazonien, puisque Cécile travaille beaucoup avec le parc amazonien sur les sujets grands. Voilà, bon, ça c'était un peu pour alléger la présentation, mais passer maintenant au plan de gestion de la biodiversité du CEGEP, dont on va parler tout à l'heure. Si vous avez besoin, c'est parti. Alors maintenant, je vais vous parler de notre plan de gestion. En fait, il s'agit d'une deuxième édition, parce qu'il y a déjà un plan de gestion qui avait été fait pour la période 2010-2020, qui avait à l'époque été rédigé par l'ONF. Donc cette nouvelle édition en 2020, on l'a rédigée nous avec le support de l'ONF également. D'abord, on a évalué les actions du plan de gestion précédent et en fait, on avait quasiment réalisé toutes les actions. On en a repris certaines pour cette nouvelle édition. Donc ce plan de gestion va courir sur la période 2021-2030 et on l'a rédigé avec une méthodologie, celle des réserves naturelles de France. Donc dans cette méthodologie, en fait, le plan de gestion se découpe en trois tomes. D'abord, on décrit le site. Ensuite, on dit qu'est-ce qui est important sur le domaine. Et enfin, on décrit comment on va faire pour y arriver par rapport à toutes les actions dans le tome 3. Et ensuite, toutes ces actions, annuellement, on va les évaluer. Donc, annuellement, on va dire telle action on l'a faite, telle on va la faire, etc. Sachant qu'il y en a qu'on est obligé de réaliser chaque année, mais qu'on doit réaliser sur la période de 10 ans. Et ensuite, on présentera notre direction tous les ans. Voilà. Donc, c'est ce plan de gestion qui est à la fois un document à destination interne. Donc, c'est pour nous, en fait. C'est pour nous, c'est pour notre direction. C'est pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et comment on va le faire. Et c'est aussi un document externe de communication, donc à destination du grand public, à destination des associations, à destination des acteurs du territoire. On va le publier, donc il sera disponible sur le site internet et on va aussi faire une plaquette de présentation parce qu'en fait ce plan de gestion c'est rien que commun, c'est 100 pages et ensuite les deux tomes sont assez conséquents également. Voilà. Du coup en fait ce plan de gestion selon la méthodologie des réserves de France c'est une démarche itérative. On dit d'abord qu'est-ce qu'on a sur notre site. Quelles sont nos responsabilités? Qu'est-ce qui est important pour le domaine? Ensuite, donc on souligne dans le tome 2, enjeux et responsabilités, on se donne des objectifs à long terme, on se donne un plan d'action, donc les objectifs à long terme, comment on voit l'avenir, et plan d'action, chaque petit pas pour y arriver. Ensuite, chaque année, on regarde si on a fait les actions, quels sont les résultats, et éventuellement, on met à jour le tome 1, les différents tomes. Voilà, donc en fait dans le tome 1, vous avez, donc c'est vraiment une description sous autant d'aspects que possible du site. Vous avez aussi bien la définition foncière, qu'est-ce que chez nous, qu'est-ce que pas chez nous. Vous avez toute la réglementation qui s'y applique, c'est le début. tous nos partenariats avec qui on travaille et où sont les zones naturelles d'intérêt sur le site. Donc ça, c'est la partie 1. Dans la partie 2, il y a l'environnement physique, donc tout ce qui est géologie, le sous-sol, le sol. Vous avez aussi la géomorphologie, vous avez le climat, l'environnement, tout l'environnement et le réseau hydrographique. Dans la partie 3, en fait, on regarde tout l'environnement socio-économique, donc les hommes là-dedans. On a toute une partie sur l'histoire du centre spatial, même sur l'histoire en fait, du site avant le centre spatial et depuis le centre spatial. Vous avez aussi l'archéologie avec les champs surélevés. Vous avez aussi toutes les fouilles qui ont été faites. D'ailleurs, là-dessus, si, y a une exposition sur les fouilles archéologiques qui ont été faites sur le domaine. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à y aller parce qu'elle est vraiment très intéressante, surtout si vous pouvez avoir la présence de l'archéologue. Et de temps en temps, ça arrive, par exemple, aujourd'hui du patrimoine, etc. Donc je vous y invite fortement. Vous avez aussi, dans cette partie environnement socio-économique, vous avez la description donc, de l'importance du spatial en Guyane, mais aussi la population aux alentours, quelles sont ses caractéristiques. Donc tout ça, c'est écrit là. Après ces 50 pages d'introduction, on en arrive au sujet. Donc dans la quatrième partie, on parle du patrimoine naturel. Quels sont les différents habitats qu'on trouve sur le site? Donc là, c'est très riche parce qu'on en a beaucoup, sans doute vous en a parlé. Ensuite, on en arrive aux espèces, aux différentes familles qu'on trouve sur le site. Donc, c'est là que tout le travail qu'on a fait sur la base des données intervient. Est-ce qu'on a un état aussi précis que possible des animaux qu'on peut trouver sur le site et aussi de toute la flore? Et enfin, dans la partie 5, la dernière partie, on évalue la responsabilité du CNES, donc du domaine, sur les différentes espèces qu'on a recensées. Alors là, je vous ai juste fait une petite présentation de l'une des parties. Donc là, c'est l'environnement physique. Vous avez par exemple ici une carte géologique avec toutes les séries sédimentaires du littoral, un peu de volcanisme et du métamorphisme du socle ancien. Ici, petite présentation de la pédologie, le réseau hydrographique avec les criques les plus importantes. Et ici, ça c'est un travail qu'on a réalisé en lien avec les criques et la météo. En fait, il y a une station météo au CSG qui prend des mesures depuis les années 68-69. Donc on a 50 ans de recul sur ces mesures. Et en fait, en traçant l'évolution des températures, on voit bien une augmentation de 1,3 degrés en 50 ans. Donc, dans le tome 2, une fois qu'on a fait tout cet état des lieux, ensuite on dit qu'est-ce qui est important. Une fois qu'on a dit ça c'est mon site, maintenant on dit c'est quoi qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on a la plus importante responsabilité, quel est l'état de fonctionnement souhaité et quels objectifs on se donne. Donc nous, les enjeux de conservation, en fait, dans les différents enjeux, on a la façade maritime avec toute la plage, la mangrove, les marais, les marécages, les forêts sur cordon du mer, etc. On a la savane, une savane avec tous les différents faciès de savane. On a ici le réseau hydrographique avec toutes les zones humides, etc. Et le bloc forestier avec lui-même plusieurs habitats de forêt. Donc en fait, tout est important, mais là-dedans, pour nous, on a un enjeu particulier sur les savanes, puisque ça représente un quart de notre domaine et la moitié des savanes de la Guyane. Voilà, donc il y a aussi des facteurs transverses, des facteurs clés de réussite pour ces enjeux et l'état visé au long terme. Qu'est-ce qui va être important pour réussir à gérer le site? Donc là, je vous ai remis une planche avec les savanes. Nous, on a pas mal de savanes sèches et quelques savanes inondables. Alors, sachant que la typologie, la classification de nos savanes, pour le moment, les savanes sont bien plus complexes que présentées ici. Donc, il y a énormément d'habitats, elles sont toutes différentes. Et cependant, la cartographie ne distingue que deux types de savanes, donc savanes sèches et savanes inondables ou inondées. Ce qui est vraiment une connaissance très macroscopique. Voilà, donc qualité, où pour chacun des enjeux, on va se donner des objectifs, un état d'idée, etc. Donc là, c'est quand même un petit peu plus difficile de le lire comme un roman. Il faut vraiment le voir comme une analyse. Donc une fois qu'on a dit qu'est-ce qui était important pour nous, dans le tome 3, on définit toutes les actions. Donc on a 34 fiches actions dans différents, qui sont classées dans différents domaines. C'est quand même pas mal de boulot répartis sur 10 ans. En gros, vous avez la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, la surveillance du domaine, qui est un élément important pour arriver à pouvoir le préserver. De la communication, du suivi administratif, de la création et de l'entretien d'infrastructures, participation à la recherche, à nouveau une catégorie sur les communications, et enfin l'intervention sur le patrimoine naturel. Donc les fiches actions, en fait, elles sont présentées comme ceci, toujours avec la méthodologie des réserves, etc. Celle-ci que je vous présente, on doit la faire chaque année. C'est l'action où on agit contre les espèces exotiques envahissantes. L'Assemblée nous en a déjà parlé. Donc nous, on a déjà cartographié les espèces et là, on est en train d'éradiquer au moins les acacias. 400 éradiqués la semaine dernière. Voilà. Donc tout ça sera réalisé chaque année sur 10 ans. Donc ensuite, chaque année, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la liste d'actions, là. On en a toute une liste, et ensuite on va mettre ici un petit plastique de couleur selon si on l'a fait, ou si on l'a partiellement fait, ou si en cours, ou alors si ça n'a pas été réalisé. Donc toutes les actions ne sont pas à faire chaque année. Il y en a qu'on peut réaliser une fois ou deux fois sur la période de 10 ans. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ici la synthèse qu'on va ensuite présenter à nos directrices chaque année. Rien de quoi quand vous devez présenter et après c'est la valorisation de cette biodiversité, comment c'est présenté, qu'est-ce que présenter voilà, donc ça fait très longtemps que l'on vient notamment le sentier de la montagne des singes, pour ceux qui connaissent ça trop vite. C'est un grand sentier, mais il y a énormément de gens qui circulent sur le site, beaucoup de sportifs, de randonneurs, mais aussi des gens qui s'intéressent à la biodiversité. Il y a des panneaux, il y a un circuit botanique qui permet d'avoir de l'information sur les sorties qu'on peut rencontrer sur le site. Donc ça, c'est un endroit qui est très visité. Alors, de mémoire, on a mis l'éco-compteur, donc ça permet de compter les gens. Vous ne savez peut-être pas quand vous passez, mais on compte. Donc on a respecté 30 000 visiteurs par an. C'est énorme. Bon, il y a beaucoup de gens le week-end, mais alors aussi la semaine. Et tout au long de l'année, tu peux avec les assos, les gens. Il y a quelques années aussi, on a voulu ouvrir deux sentiers au cœur du CRG. C'est le sentier Ben et le sentier Pisa. Parce que justement, c'est des sentiers qui sont situés dans la savane et ça permet de présenter ces savanes aux gens qui ont envie de venir sur le site. Alors, c'est une visite qui est accompagnée parce que c'est au cœur des installations. Donc, une bambus, on est accompagné pour toute la sécurité. Et donc, c'est un guide de l'ONF qui fait la balade. C'est en général le samedi matin. Intéresse sur le site internet, vous pouvez aller voir, il y a tout ce qu'on comme renseignement. Bon, c'est vrai que là, on reprend doucement les visites, on avait eu le week-end dernier, et donc il y en aura encore deux autres avant la fin d'année. Bon, avec la crise sanitaire, ça a été un peu compliqué cette année pour faire une visite. Et on a également un sentier qui pour le coup, c'est le parcours de la Sifflance à Sinalarie. Alors c'est un parcours qui fait 7 km, plus de 7 km, qui part un peu plus de Bourg-Saint-Marie, qui est sur le centre spatial, et qui permet d'accéder à une plage, une plage évidemment, puisqu'avec les dents de lave qui n'arrêtent pas de dévoiler sur la côte, là en ce moment on peut avoir accès à la plage. Donc c'est un peu vaseux, mais il y a quand même une bande de sable, ça permet de pouvoir observer les oiseaux, c'est très, très sympa. Et ça permet aussi de traverser différents écosystèmes. Il y a une forêt de Combarit qui est magnifique. Alors je vous conseille. Sur la période, il y a un peu de mystique, donc vous voyez ce qu'il faut pour se protéger, mais ça, c'est vraiment un parcours qui mérite la visite. Bon, on a d'autres sentiers qui sont très utilisés, notamment ce qu'on appelle la zone de loisirs du CLG, où là, il y a pas mal de gens qui circulent. Et on est en train justement d'améliorer encore le parcours pour. Parce qu'il y a une partie qui est sur la route, et donc on est en train de créer un petit chemin à l'intérieur de la forêt, qui sera plus sympa. Et sans oublier les îles du Salut, évidemment, parce qu'il y a les deux parcours des îles du Salut, à la fois sur Royal et à la fois sur Saint-Nauvert. Donc voilà, il faut savoir qu'on a donc 2, 3, 4, 5, 6 parcours, pour les jeunes vies asexuelles, et on les fait en tête dans la tête. Ah, ici, il y en a deux. C'est ça. Voilà. Et donc, cette valorisation, donc, elle est directe. Hein, on va se dans les lieux naturels, on peut faire des observations, on peut se balader. On a des gens qui sont très compétents pour expliquer des informations sur la nature pour les parcours qui sont guidés. Il y a également des panneaux d'information. Donc, sur chacun des sentiers, ça permet, quand on est tout seul, de pouvoir avoir aussi de l'information. Et je voulais terminer par un élément qui est assez nouveau. Bon, le CNES est engagé dans les objectifs de développement durable depuis déjà quelques temps. Et là, cette année, on a signé une convention qui s'appelle Act for Nature, qui concerne les entreprises qui sont engagées pour la biodiversité. Donc il y a des engagements génériques, toutes ces grandes entreprises ont des engagements à respecter, donc c'est pour tout le monde. Et ensuite on propose des engagements spécifiques et qui donc, vont être spécifiés en fonction de l'entreprise qui signe ce document. Et ben, nous, les gros points qu'on a voulu mettre en avant, à la fois c'est pour le CNES, pour tous les CNES, c'est-à-dire à la fois les CNES en métropole et le CLG. Donc c'est de s'engager justement sur les plans de gestion à la fois du CLG et du centre de Toulouse, parce qu'il y a aussi de la biodiversité, mine de rien, au centre spatial de Toulouse. Donc l'idée c'est de soutenir donc, la production des connaissances, une petite fois ici, et des projets qui visent à lutter contre la perte de biodiversité. Donc on s'engage aussi à intégrer les enjeux de biodiversité dans toute la chaîne de valeur. Donc là, ça concerne toutes les activités du CNES. Et ben, on veut aussi mobiliser les parties intéressées. Donc ça, c'est quelque chose qui est avec un peu de finalisation pour les engagements spécifiques. Voilà. Donc je crois que là, c'est la dernière diapositive. Ah ben voilà, ça c'est vraiment la dernière. Et maintenant, lui, c'est mon petit copain. Voilà, donc on a fini pour la présentation. Alors, on ne sait jamais où placer le curseur. Alors, si vous avez des questions, on est à votre disposition pour les répondre le mieux possible. J'ai fait passer le micro, je vous laisse un micro pour vous deux. Alors. Pour ceux qui sont habitués, je vais y aller sans le masque. Pour ceux qui sont habitués au mardi de l'espace, le public aussi est amené à contribuer avec une série de questions-réponses. Mais je ne sais pas, peut-être on voudrait laisser le mot à Madame la Directrice. Oui, bonjour à tous. Bah, vous l'avez vu, à travers cette présentation, on fait un vrai effort sur la biodiversité de CLG. C'est devenu vraiment un parc naturel et on se doit, il a dit Sandrine, le CNES est très investi de façon générale dans tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale. Et donc, on a pris le CLG en direct, des grandes idées qu'on a envie d'appliquer. Et on essaye évidemment de préserver notre environnement. Alors j'ai noté qu'on va faire une fois par an la revue de toutes les actions du plan de diversité. On ne l'a pas fait encore, vraiment. Et donc on le fera, il n'y a pas de souci. et on essaye de faire le mieux possible. On nous taxe souvent de polluer finalement, d'être un acteur de pollution, on est quand même aussi un acteur de préservation de la biodiversité. Et je pense que si on n'était pas aussi actif sur l'ensemble de 700 km², je suis pas sûre que cette biodiversité serait encore réelle, parce qu'elle est finalement très très proche de zones habitées entre Paris et le cinéma. Donc écoutez, nous on est là aussi pour répondre du coup à vos questions, surtout n'hésitez pas à nous solliciter ce moment jamais. Donc il faut que le premier s'y colle. Est-il valeureux, premier volontaire, pour poser une question? Peut-être un petit complément alors, que ça arrive. On disait effectivement qu'on est actif dans la préservation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le CG est grand, mais est quand même relativement bien surveillé. Il y a assez peu de braconnage. Le port d'armes est interdit pour des raisons évidentes de sécurité. Du coup, la chasse n'est pas autorisée. Bon, évidemment, le pourtour de temps en temps, on a quelques petits soucis, mais dans l'ensemble, on a un milieu qui est quand même bien préservé par rapport à ce qu'il peut y avoir en arrière. Et c'est aussi pour ça que les organismes de recherche nous sollicitent beaucoup pour venir travailler sur le CSG, notamment l'OMP avec les futurs enfants, puisque pour eux c'est vraiment un endroit où un endroit qui peut servir de référence notamment pour ce type de sujet. Donc voilà, c'est un peu on a une raison d'être, c'est effectivement notre activité principale, c'est vraiment les activités spatiales, mais il en découle notre préservation de ce territoire, hein, parce que 90% du milieu, c'est des milieux naturels. Une question ? Le micro est tendu. Bon, voilà. Vas-y. Ouais. En fait, je vais poser, comme souvent, la même question. On aura souvent la même réponse. Voilà. C'est du coup le feu est un élément important dans le fonctionnement des savanes et du coup qu'est-ce qu'il en est pour le feu? Oui, bon, le feu est considéré comme un élément effectivement important pour le maintien des savanes. Alors le feu au CSG c'est un peu compliqué parce qu'on a des installations pyrotechniques avec des produits qui sont utilisés pour les lanceurs qui sont inflammables, explosifs, etc. J'en passe des milliards. Du coup, tout est fait justement pour qu'il n'y ait pas d'incendie. On a d'ailleurs une brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui est là 24h/24. Ils sont 80 pour surveiller justement qu'il n'y ait pas de problème. Il y a encore un incendie, alors c'est difficile à concilier. Alors c'est pour ça qu'on est passé, notamment, on a fait des expériences sur les fusillades, on a vraiment coupé les fusillades plutôt que de mettre le feu. On est allé faire une action mécanique pour les attirer, plutôt que de passer le feu pour les acacias aussi. La méthode voudrait qu'une fois coupé, on fasse le feu pour accélérer la germination d'une banque de graines énorme, de manière à sortir toutes ces germinations et pouvoir les retirer rapidement. Ben, nous, ça prendra plus de temps, c'est-à-dire qu'on les coupe, on va laisser tout ça en place et chaque année, on va repasser pour enlever les petites germinations, ce sera plus long, mais on va y arriver aussi. C'est vrai que faire du feu, c'est compliqué. Que dans une histoire de maîtrise. Et là, on a quand même 25% de territoire qui est de la savane. Voilà. C'est 150 hectares, 150 km². Voilà. Et on imagine aussi le fait que ce soit gravé en période de saison sèche, surtout comme c'est une zone de savane, pour les feux qui restent. Auquel on perd le contrôle très facilement. Mais c'est ça, c'est que quand il y a la mise en feu intempestive, on va dire, tout est fait pour vraiment les installations. Donc c'est compliqué d'envisager ce type de méthode à proximité d'activité. Si. Donc, y a-t-il un valeureux ou une valeureuse pour une question? Donc le pas de la première question a été franchi. Donc y a-t-il un volontaire? Une question? que les IA avaient été découvertes pour le site, sans non plus son domaine du site. Est-ce qu'on fait des efforts particuliers pour préserver cette espèce qui semble vraiment patrimoniale? Oui, elle fait partie justement des espèces dites rares dans la liste des espèces qui font l'objet de protection, qui est en cours de réalisation. Et l'idée, c'est de la préserver, effectivement, de bien connaître son habitat, de manière déjà à la préserver elle, et puis après, est-ce qu'elle est ailleurs. L'idée aussi, c'est une fois qu'on a déterminé l'endroit, comment est l'endroit où elle vit, si on peut retrouver ce type de vie ailleurs. Donc théoriquement, elle n'est pas impactée par l'action du ciel, mais là où elle est, non. Pas forcément les impôts obligés, mais ça peut. Elle est à proximité de la carte parce qu'elle a été trouvée à ce moment-là. Et là, on essaie de faire au mieux et de la mettre dans la liste des espèces rares. Parce qu'elle n'est pas encore décrite en fait. Les pâtures sont menacées, eux sont dans une couture, contrairement à l'ensemble du CV ou du CV. Donc dans cette zone-là, il y a quand même assez peu d'animaux. Donc les oiseaux, par exemple, eux, avec les deux, tout ça, ils s'échappent. Mais il y a assez peu de gros animaux à l'intérieur de l'installation. Voilà, monsieur. J'ai une question par rapport à l'emplacement des infrastructures. Comment sont maintenant sont choisis? Vous avez identifié la problématique des savages et des zones à préserver. On regarde la présentation du site, on a l'impression qu'ils sont en majorité sur les savages. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et pourquoi ces choix-là? C'est des choix parce qu'il faut que ce soit à proximité de la coque pour que les densements soient le moins important possible pour la population. Donc de base, un pâtir se met à proximité de l'océan, sauf dans des pays où il n'y a pas de possibilité de ce type-là, mais alors là, les zones sont vraiment une coque. Là, le fait de partir vers l'océan, ça diminue le risque en cas d'accident en soi. Donc il faut se positionner à proximité de la coque. Le plus près possible de l'océan. Donc la zone marécageuse, ce n'est pas possible pour des raisons évidentes. Donc à l'origine, et aussi, il y a 50 ans aussi, parce que c'était des zones qui étaient déboisées. C'était facile de s'installer quand même. Et maintenant, on. Alors en fait, ce qu'on a mis dans le plan de gestion, et qui est aussi une philo là, qui est en train de s'installer dans notre schéma directeur des installations, c'est que pour toute nouvelle installation, on va d'abord étudier en priorité la réutilisation de sites déjà anthropisés. C'est-à-dire qu'on va d'abord étudier toutes les manières, les sites diamants, les sites qui ont déjà été utilisés à un moment donné, avant d'envisager, si vraiment ça ne convient pas, d'aller voir ailleurs. Mais en première intention, ce sera les sites déjà anthropisés. C'est notamment le cas sur un site qu'on est en train justement de réaménager, c'est le site de Diamant. C'était une vieille qui a. Je ne sais pas quel âge elle a. 70. La Z70. Et donc ce site-là, il est réaménagé pour accueillir un démonstrateur réutilisable qui va donc décoller, revenir, s'appelle Calisto. Et puis pour faire aussi des tests de tennis qui est. Une zone qu'on réaménage pour les nouveaux besoins. C'est en cours parce que là on a fait ce travail en travaille avec Biotope et Stéphane Barthes il y a un bel an passé. Donc il va y avoir un suivi de réaliser sur cette zone-là pour voir comment se comporte justement sur la repousse et l'impact des travaux qui ont été menés sur les sols. Donc c'est évidemment des travaux comme C'est peut-être un peu hors sujet, je suis désolé, mais c'est un peu curieux. C'est une bonne question, effectivement. Alors, on avait fait une évaluation. Ça représente par an, je pense, au moins, au moins 300 000 euros. Plus nous, quoi, le NRH, mais les moyens. Je pense que ça mériterait d'être revu parce que. Avec les mesures compensatoires, justement, par l'insiste, c'est quand même bien. Ça doit être plus important. Je n'ai pas fait l'exercice que je l'avais fait quand, il y a 2-3 ans, pour ce qu'on met en place pour les plans de mesures environnementales, ce qu'on appelle les plans de mesures environnementales dans les instants. Et je pense qu'on peut rajouter un budget conséquent. Sans parler de. Je pense qu'il faudrait toujours passer l'exercice. Et après, par rapport au budget de la CNES, je ne sais pas, là, on est sous les moyens, mais je suis désolée. Donc, voilà. Donc, on applaudit à nouveau Sandrine et Cécile. Communiquer justement sur le prochain mardi de l'espace. On espère se réalisera très prochainement. Je glisse une petite pub. On a parlé au cours de la présentation de certaines choses, donc des fouilles archéologiques. Donc pour ceux qui suivent les cafés des sciences, de la canopée des sciences, on a eu l'intervention de Madame Sandrine Delpech en octobre de l'an dernier. Donc vous pouvez retrouver l'intervention podcast sur notre site de la canopée des sciences. Donc, www.ccsti973.fr qu'on a mentionné aussi au cours, enfin, Cécile et Sandrine ont mentionné au cours de leur présentation le projet Life Biodive Dome. Vous pourrez retrouver aussi l'intervention ce jeudi au Hitbox à 18h30. Donc Alice Garrigue-Cardou du GEPOG et Marianne Palis qui est anthropologue à l'Université de Guyane, au laboratoire LEXA, on fait une intervention sur les savanes de Guyane. Donc nous vous invitons à venir assister si vous voulez en savoir plus sur les savanes de Guyane. Donc on tient à remercier aussi le CNES et le CSG pour le partenariat, pour la réalisation de cette soirée. Et on vous... Et nous vous invitons à déguster ces deux tapas parce que j'imagine que vous avez tous très très faim à cette heure-ci. et nous vous remercions tous d'être venus assister à cette présentation. Merci beaucoup. Permettez-moi de rajouter de l'information encore. Donc là, on vous a présenté les trois prochains événements, ce jeudi, un café des sciences, le samedi 5 décembre, une journée sur l'archéologie en Guyane qu'on organise chaque année, mais le 15 décembre, un rendez-vous encore, juste avant d'aller chanter Noël avec M. Armand Hider, parce que le totem a été inauguré, nous vous y invitons tous, et l'exposition met à l'honneur le site de Petit Sceau, son histoire, ses peuples, les gens qui se sont croisés sur ce territoire depuis les Galibis, en passant par l'époque coloniale, puis l'époque du bagne, jusqu'à un barrage qui a changé le visage énergétique de ce territoire et des enjeux qui sont désormais à nouveau actuels. Venez au Totem, visitez ce tiers-lieu. Il y a aussi une microfolie pour y découvrir les arts sous toutes leurs dimensions, internationales, nationales. Ça se trouve à la cité de Médan. Je ne sais pas si vous fréquentez ce quartier très, très vibrant au cœur de Cayenne. Donc si vous localisez les pompiers de Cayenne et le dispatching d'EDF, que vous voyez les grandes tours en train d'être désamiantées, c'était les Floralies. En fait, c'est un endroit très particulier au cœur des Guyanais parce que c'était les premiers logements sociaux, les premiers HLM installés sur les sables blancs. Monsieur Armand Hider est le grand témoin de beaucoup de choses dans ce pays. Vraiment, c'est une personne qualifiée de doco qui nous a honoré d'accepter d'être le parrain de cette exposition. Et c'est quelque chose qu'on a réalisé avec le soutien aussi du CNES, parce que la Canopée bénéficie d'un soutien transversal, et l'ADSPS, l'Association de découverte de petits sceaux, dont je crois Madame Richard a fait partie finalement avec Hydreco, avec, en tant que membre fondatrice de cette association qui a maintenant 20 ans. Donc voilà, l'idée c'est que la culture scientifique, on pense que c'est essentiel pour la jeunesse guyanaise et tous les citoyens. Donc elle prend plusieurs visages et désormais nous sommes fiers d'avoir une capacité à accueillir les gens dans la ville capitale, mais à continuer notre action d'événementiel comme ceci, la fête de la science vient de s'achever, et bien d'autres rendez-vous qu'on va essayer de vous proposer au Microfolie, au Totem, autour de cette exposition. Sur simple réservation en cette période complexe, annoncez-nous que vous venez, venez. Et voilà, je voulais vous remercier ainsi que Madame Claire. Et tous les gens présents, parce qu'on sait que la moitié d'entre eux sont déjà des fidèles depuis près de 10 ans que Canopée existe, et ça va continuer. Voilà, merci à tous, et une personne est particulièrement M. Gonzalo, parce que cet établissement et les entrepreneurs de Guyane, on travaille avec eux. Pour le Totem, on a opté pour l'économie circulaire, avec des meubles en bois de Guyane, pour un lieu avec un véritable accueil, Gonzalo, qui saura lui vous décrire ce qu'il y a sur cette petite douceur qui vous attend derrière vous. L'Espagne à votre porte. Bon, bonsoir à tout le monde. Et j'espère juste être à l'auteur de la Canopée des sciences de CG. Là, on vous propose des petits tapas, des charcuteries qui viennent d'Espagne où il y a des gens ici qui connaissent déjà, de nouveau, et des choses qui arrivent vont être posées par ici. Et voilà, quoi. Depuis un moment qu'il est harcèle, c'est le moment de profiter du moment. Ok. Bonsoir, et merci. Merci, Gonzalo, merci pour l'accueil. Donc, on est la terre. Ah, on a prévu un petit intermède musical. Non. Merci encore une fois et puis à bientôt.